campagne. Ça fera 10 ans en février qu'on laisse de côté nos compagnes pour le pinard et le pâté. Le camping à l'état sauvage, c'est mieux quand c'est organisé avec la tente et les bagages. C'est moi qui les ai tous portés. À deux c'est mieux, on porte ce qu'on veut. Moi j'en peux plus, je suis fatigué. Ah ouais, ouais. Moi ça va. C'est sûr ça. Ouais ça va. Bon. Non ça ira. Allez. Je vais aller de l'avant un peu. Ah. À deux c'est mieux.